appelé le plan Colombie. Un plan élaboré par les autorités états-uniennes en collaboration avec Bogota est destiné à éradiquer la culture des plants de cocaïer sur le territoire de la Colombie, premier producteur de cocaïne au monde. Ce plan, initié sous la présidence de Bill Clinton, a été doté dès le départ de milliards de dollars. C'est dire l'importance qui attachait les États-Unis, premier pays victime de la propagation démesurée de cette drogue en Occident. Mais, nous en avons parlé tout récemment avec M. X, cette lutte se heurte à de nombreux obstacles. Et d'abord, en Colombie même, à l'existence de deux forces armées qui vivent du trafic de drogue. Il y a bien sûr les FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, une guérilla enracinée depuis des décennies et qui, à côté des prises d'otages, tire ses principales ressources du commerce de la drogue. En face, on trouve ses ennemis irréductibles, les unités paramilitaires, des milices privées surarmées qui bénéficient de la complicité des autorités colombiennes et qui, sous prétexte de combattre la guérilla, se livrent elles aussi au trafic de cocaïne. Un prétexte, oui, mais ce plan Colombie, qui répond en principe à des motifs louables, n'a-t-il pas été utilisé par Washington pour tenter de venir à bout d'une guérilla marxiste jugée intolérable, surtout depuis que George Bush a déclaré la guerre totale au terrorisme? Et que pensaient des acteurs de ce combat contre la drogue, toutes ces entreprises nord-américaines, dont la puissante société Monsanto, qui ont été associées à l'opération et ont largement profité des subsides accordés par les États-Unis? Pour commencer, un tout petit retour en arrière. Jusque dans les années 1990, la situation est relativement simple. Il existe ce que l'on appelle des cartels. Oui, des cartels de narcotrafiquants. Oui, des organisations très structurées, capables de faire pièce aux autorités colombiennes et qui règnent sans partage sur toute la chaîne du trafic de cocaïne. De la culture à la commercialisation, en passant par la transformation. C'est ainsi, pour ne parler que de la Colombie, le principal pays producteur, qu'il existe alors au moins deux cartels. Oui, ceux de Medellín et de Cali. Hein, ouais, de Cali, deux capitales des narcotrafiquants. Les parrains de ces organisations criminelles sont alors de véritables puissances régionales, investissent dans l'économie locale et font et défont les carrières des élus. En outre, comme ils donnent du travail aux paysans les plus pauvres et apportent le rebol aux organisations de bienfaisance, ils sont généralement très populaires. Ouais, mais tout a une fin, hein. Et l'Agence états-unienne de lutte contre la drogue, la DEA, fait pression sur les autorités colombiennes pour qu'elles s'attaquent enfin à ces cartels. Des agents américains vont même participer physiquement à ce combat. Hein. Et ils vont mettre à la disposition des Colombiens des moyens très sophistiqués. Ouais, le système d'écoute, de repérage. Et c'est ainsi que le célèbre Pablo Escobar, chef du cartel de Medellín, va tomber sous les balles des policiers en décembre 1993. Avec cette véritable exécution commence le démantèlement de la formidable structure qu'il a mise sur pied. Oui, reste l'autre cartel, celui de Cali. Hein. Oui, dont les dirigeants, deux frères, ont d'ailleurs puissamment aidé les autorités colombiennes à se débarrasser d'Escobar. Afin d'éliminer un rival. Bien sûr. Donc à Cali, on a très vite pris la relève. Mais les deux frères qui sont à la tête de ce cartel sont à leur tour neutralisés et arrêtés. Ces succès policiers se traduisent-ils par un ralentissement du trafic? Oh, pas du tout, au contraire. La production et le commerce de cocaïne n'ont jamais été aussi florissants. Mais comment expliquez-vous ça alors? Bah, c'est très simple. Le trafic a été atomisé. Désormais, il existe une kyrielle de petits groupes qui vivent de la cocaïne. Ah, et ça rend le travail de la police encore plus difficile. Bah, naturellement. D'autant qu'on assiste à une montée en puissance de ces milices paramilitaires dont je vous ai parlé la semaine passée. Et vous m'avez dit à l'occasion que Pablo Escobar était lui-même l'un des inventeurs de la création de ces bandes armées. C'est exact. Parce qu'il avait besoin d'une force armée pour surveiller et protéger ses activités illicites. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit aussi. Ces paramilitaires étaient les descendants en ligne directe des membres des escadrons de la mort qui ont semé la terreur pendant cette terrible période qu'on a appelée la violencia. Un mot qui dit bien ce qu'il veut dire. Hein. 300 000 morts, je vous le rappelle. Et en même temps qu'Escobar, de grands propriétaires terriens font aussi appel à des groupes paramilitaires pour se protéger des attaques des FARC et d'éventuelles tentatives d'enlèvement. Et là aussi, on va peu à peu glisser vers la collusion avec les narcotrafiquants. Hein. Ah bah c'est presque forcé. D'une part, parce qu'il faut bien que ces paramilitaires vivent, et que d'autre part, ses richissimes propriétaires ont parfois partie liée avec les narcotrafiquants. En tout cas, cette question de la drogue est un véritable cancer qui mine l'État colombien. Et ça ne peut pas laisser indifférents les Américains qui ont déjà joué un si grand rôle quand il s'est agi de traquer Pablo Escobar. Oui, parce que la cocaïne, il faut le rappeler, est prioritairement destinée au marché américain. Et puis au risque de me répéter, il y a la présence de ces guérillas marxistes. Surtout les FARC, qui sont les plus efficaces et les plus nombreuses. Leur existence contrarie au plus haut point Washington, avant même l'arrivée de George Bush à la Maison-Blanche. Et c'est pour toutes ces raisons qu'a été mis au point le plan Colombie. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Ce plan s'appelle officiellement « Plan pour la paix, la prospérité et le renforcement de l'État ». L'État colombien, bien sûr. Mais pour tout le monde, c'est le plan Colombie. Il a été mis au point sous la présidence de Bill Clinton en septembre 1999 et signé en août 2000 avec Andrés Pastrana, le prédécesseur de l'actuel président colombien Álvaro Uribe. Et quels sont les objectifs de ce plan? Il y a les objectifs officiels et ceux qui le sont moins, comme je vous l'ai laissé entendre. Alors, voyons ça de plus près. C'est Pastrana qui a pris l'initiative. Selon lui, la meilleure manière de lutter contre les cultures de coca, c'est d'aider les paysans colombiens à produire des cultures de substitution rentables, au moins aussi rentables en tout cas que celles des cocaïers. Ah, ça me paraît raisonnable. Et quelles cultures à la place alors? Les fleurs, les piments ou des plantes utilisées dans l'industrie textile. Mais pour atteindre cet objectif, il faut obtenir des États-Unis des aides concrètes et par exemple qu'ils abaissent les taxes sur l'importation de ces produits sur leur territoire. Et réponse de Washington alors? Le président Clinton n'est pas le seul maître du jeu. Au Congrès, ce sont ses adversaires républicains qui sont majoritaires. Or, le président Pastrana n'est pas très bien vu, c'est le moins qu'on puisse dire, par les conservateurs américains. Pourquoi? Il lui reprochait de ne pas lutter assez énergiquement contre les FARC. Il leur a même proposé d'ouvrir des négociations en terrain neutre. C'est dans une zone démilitarisée. C'est ça, oui. Donc, pour ces conservateurs américains, il fait preuve de faiblesse coupable vis-à-vis de cette guérilla d'inspiration marxiste. Incontestablement. Clinton, minoritaire au Congrès, ne peut donc répondre positivement au président Pastrana en ce qui concerne l'aide pour les cultures de substitution. Mais par contre, parce qu'il est certain de recueillir l'appui des républicains, Clinton propose au président colombien une aide essentiellement militaire. Le but est évidemment double. Sous couvert de lutte anti-drogue, il faut soutenir le combat anti-guérilla. C'est d'autant plus logique du point de vue états-unien que les FARC sont convaincus de participer au narcotrafic. En tout cas, tout ça a le mérite de la clarté. Tout à fait. Et pour remplir ce double objectif, les États-Unis vont mettre sur la table une somme énorme. Plus de 7 milliards de dollars sur plusieurs années. D'accord, mais pratiquement, qu'est-il envisagé? Il s'agit essentiellement d'aider, je vous l'ai dit, l'armée colombienne. De l'aider en l'équipant avec les matériels les plus modernes. Mais aussi de l'encadrer et de l'entraîner. Une intervention très directe, donc. Oui, oui, et aujourd'hui encore, de nombreux militaires américains se trouvent toujours en Colombie. Et ils ne se contentent pas d'instruire les soldats colombiens. Certains vont être aussi engagés sur le terrain ou dans les airs. Ouais. D'accord, mais la lutte contre la drogue, comment est-elle menée? Les Américains misent tout sur la technologie. D'abord, ils mettent au point un système de reconnaissance des champs de coca par satellite. Ne me demandez pas d'explications techniques que je serais incapable de vous les donner. Je sais simplement que ces plantes, les cocaïers donc, émettent des radiations très particulières qui permettent de les distinguer d'autres végétaux. Ensuite, à partir de ces repérages géographiques, les cultures sont éradiquées par aspersion. Tu veux dire? Des petits avions épandent au-dessus des champs des produits herbicides. Un procédé qui avait déjà utilisé au Vietnam. Hein, oui, oui, le fameux agent orange qui a fait crever une partie de la jungle vietnamienne afin de mieux repérer les soldats du Viet Cong. Oui. Et dont la population vietnamienne continue de subir les conséquences sanitaires. Mais en Colombie, c'est un produit moins destructeur qui va être utilisé. Il est connu des agriculteurs sous le nom de Roundup. Oui, c'est un herbicide dit systémique, hein, c'est-à-dire qu'il est absorbé par le feuillage et descend dans les racines. Tous les amateurs de jardin ont entendu parler de ce produit qui est en principe biodégradable. Oui, enfin, c'est ce que prétend son fabricant, la multinationale Monsanto. Mais aujourd'hui, beaucoup de jardiniers professionnels, à commencer par le jardinier de France Inter, Alain Baraton, déconseillent le Roundup. c'est-à-dire le glyphosate. Parce qu'il représente des dangers pour la santé humaine ? Effectivement. Et naturellement, son usage massif n'est pas anodin pour l'environnement et donc la santé des habitants. En outre, cet herbicide détruit absolument tout ce qui porte des feuilles. Ah oui, alors les cultures illégales comme les autres. Mais ça veut dire que le petit paysan colombien qui, à côté de son champ de cocaïers, cultive un potager nécessaire à sa subsistance, voit aussi ses légumes dépérir. La conséquence, c'est que s'il ne veut pas mourir de faim, il est obligé de partir de chez lui, à moins d'avoir trouvé d'autres recettes. Mais il est encore trop tôt pour en parler. Dans un article de la revue Les Cahiers de la Sécurité, paru en 2005, l'universitaire colombien Gustavo Duncan analyse les débuts des rapports entre narcotrafiquants, guérilleros et paramilitaires. Les mouvements de guérilla surent tirés parti de l'irruption du trafic de stupéfiants sur la scène nationale qui leur permit de se passer des maigres subsides du bloc soviétique. Bien plus, la protection rémunérée des laboratoires de cocaïne des trafiquants fournit à la guérilla les moyens de s'agrandir à vitesse accélérée. Mais, tandis que dans le sud de la Colombie, les guérilleros s'étaient alliés aux narcos pour protéger les moyens de production de la drogue, dans le nord et l'ouest, une guerre à mort les opposait pour le contrôle des nouvelles grandes propriétés foncières que les trafiquants s'étaient taillées à coups de millions. Dès le départ de cette guerre, les narcotrafiquants s'associèrent avec des capitalistes ruraux et alliés aux forces armées, ils mirent sur pied les groupes paramilitaires de la première moitié des années 1980. Si les entrepreneurs des campagnes, grands et moyens propriétaires terriens, commerçants et hommes politiques traditionnels, choisirent de financer des groupes armés illégaux, c'est qu'ils avaient été les principales victimes de la croissance des guérillas. Ces premiers groupes paramilitaires fonctionnaient donc comme de petites armées, chargées d'assurer la sécurité des membres des nouvelles élites rurales issues de la contre-réforme agraire. Initialement, la stratégie de ces groupes visait à compléter l'action de l'armée régulière en prenant en charge les tâches les plus sales, principalement torturer et faire disparaître des personnes. Et ces aspersions chimiques, là, ont-elles été entreprises sur une grande échelle ? Rien que pour l'année 2001, on estime que plus de 50 000 hectares de coca ont été ainsi détruites. Mais c'est énorme, hein ? Et en 2005, ce sont 138 000 hectares qui ont été traités. Alors, effectivement, ce sont des chiffres impressionnants. Mais si vous voulez, je vous propose de faire un peu plus tard le véritable bilan de ce plan Colombie. Et vous le constaterez, ce n'est guère glorieux. D'abord sur le plan politique, ces campagnes de fumigation ou d'aspersion d'herbicides ont jeté les paysans les plus pauvres dans les bras des guérilleros des FARC, qui sont apparus comme leurs véritables défenseurs contre les menées chimiques des gringos. Autant de petits producteurs qui ont trouvé refuge dans les zones que les guérilleros contrôlent. D'accord, mais que peuvent faire les FARC là, contre ces opérations aériennes ? Ah ben, un petit avion, c'est très vulnérable. Or, les FARC disposent d'un armement très efficace. Grâce toujours à l'argent de la drogue. Naturellement. Et des pilotes militaires américains ont ainsi été capturés après le crash de leur appareil. Et sont toujours détenus par les FARC. Une monnaie d'échange. Hein. Au même titre que les otages dits politiques qui sont aux mains de la guérilla, tels Ingrid Betancourt. Autre erreur qui découle directement du fait que le président Pastrana n'a pas été écouté. Lui qui voulait s'attaquer aux racines du mal. Hein. C'est-à-dire permettre aux paysans colombiens de vivre décemment sans être obligés de cultiver la coca. Le développement économique, voilà quelle était la bonne solution. Surtout dans un pays où 80% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Mais les Américains et les militaires colombiens en ont décidé autrement. Ils ont choisi une autre méthode. La guerre. Alors, selon vous, le plan Colombie a été faussé dès le départ. C'était peut-être pas un hasard. Oh, bien sûr que non. Pour de multiples raisons. Il y avait d'abord la fantastique manne financière mise à la disposition du plan Colombie. Une manne qui provoquait beaucoup de convoitises. En Colombie, où, évidemment, quelques officiers généraux se sont débrouillés pour détourner plusieurs millions de dollars. Mais c'est surtout aux États-Unis qu'on a guigné ce trésor. Conséquence, ce sont essentiellement des firmes américaines qui en ont profité. Et pas les Colombiens. Mais vous avez des exemples ? Parfaitement. Ce système de repérage par satellite a coûté très cher. Ce sont des entreprises américaines, high-tech, qui l'ont conçu et réalisé. Et comme à chaque fois que des Américains sont impliqués dans une affaire extérieure, il a fallu sécuriser les communications. Ça aussi, c'est très onéreux. D'autre part, des centaines de millions de dollars ont été consacrés à l'achat d'hélicoptères américains. Hélicoptères dernier cri, d'une formidable puissance de feu. Des hélicoptères pour l'armée colombienne. Oui, en principe pour protéger les vols des avions défoliants. Mais je vous pose la question. Les Colombiens avaient-ils besoin d'appareils aussi performants? Enfin, venons-en à ces fameuses fumigations au-dessus des champs de coca. Il y a d'abord les énormes profits récoltés par Monsanto, jusqu'à 23 litres de Roundup par hectare. Monsanto a ainsi engrangé une fortune. Et c'est le même Monsanto, on peut le dire, hein, qui essaie chez nous de procéder à des cultures de maïs transgéniques. Hein. Le même trust géant, qui travaille même à mettre au point de nouveaux OGM, des céréales insensibles à l'action du Roundup. Ainsi, la firme peut gagner des deux côtés, en vendant des semences spécialement traitées et en commercialisant son glyphosate pour détruire les mauvaises herbes dans les cultures. Enfin, là, je m'éloigne un peu. Pas tant que ça, non. Bon, on reparlera de Monsanto. En attendant, je poursuis. C'est aussi une entreprise privée américaine, DynCorp, qui a obtenu le très juteux contrat de l'aspersion aérienne des herbicides. Et ici, enfin, si vous le permettez, je voudrais faire une parenthèse. Je vous en prie. Certains des pilotes de cette compagnie chargés de détruire la coca ont été pris la main dans le sac. Non seulement ils consommaient de la cocaïne, mais ils profitaient de leur entière liberté d'action pour participer eux-mêmes au transport de drogue. Entre deux fumigations. Absolument. C'est effectivement très embarrassant. Enfin, très embarrassant pour les Américains, oui. Mais je reviens à ce que je disais. La plus grande partie du budget du plan Colombie a permis à des firmes nord-américaines de faire d'excellentes affaires. Et une part importante des sommes affectées au plan a été utilisée pour acheter des aéronefs et les entretenir. Ça continue, ça? Ça a continué, oui, jusqu'à la fin du plan Colombie en septembre 2005. Ce qui n'empêche que les opérations de fumigation continuent. En tout cas, jusque-là, George Bush s'est empressé de faire reconduire ses budgets colossaux année après année. La Colombie est alors devenue le troisième pays le plus aidé financièrement par les États-Unis, après Israël et l'Égypte, si l'on excepte l'Irak depuis 2003. Et plus de 500 citoyens américains, tant militaires que civils, ont été affectés sur place à la réalisation du plan, tandis que des centaines de soldats colombiens étaient formés par les États-Unis. Et tout cela pour des résultats décevants. Et je vous donnerai tout à l'heure des chiffres très éloquents qui le prouvent. En attendant, voyons de plus près le bilan environnemental. Et disons-le tout de suite, il est accablant. Ah, toujours le Roundup là, de Monsanto. Oui, d'autant que cet herbicide n'a pas seulement été utilisé pour détruire les cultures de coca. C'est-à-dire? Et bien, de temps en temps, certains militaires américains ont aspergé des zones de la jungle uniquement pour en faire sortir les guérilleros. Ah, comme au bon temps de la guerre du Vietnam. Hein. Exactement. Alors les dégâts, ils sont considérables. Et sans doute parce que l'herbicide aspergé a été, si je puis dire, renforcé par rapport aux produits que nos jardiniers ou nos agriculteurs répandent chez nous. Ce qui veut dire, alors? Pour accroître son efficacité, le Roundup a été non seulement répandu en doses concentrées, mais on lui a adjoint des substances chimiques censées décupler ses effets, et surtout les prolonger. Des molécules qui ont été employées alors qu'aucun test sérieux n'avait été préalablement effectué pour évaluer leurs conséquences sur l'environnement. On a donc fait des expérimentations grandeur nature. Expérimentations sur la nature, mais c'est plus grave, sur les hommes aussi. Car même si les pilotes ont évité la plupart du temps d'asperger les villages, il faut tenir compte des vents. Procéder à des aspersions à proximité des maisons aboutit donc aussi à traiter des cultures vivrières, les habitants et les animaux qu'ils élèvent. Et pas seulement en Colombie. Quoi, les pays voisins aussi? En Équateur, par exemple, près de la frontière. De nombreux paysans ont été victimes de ces fumigations excessives qui ont entraîné des maladies telles que les allergies ou des insuffisances respiratoires. Et selon des informations très récentes, en provenance de l'Équateur, et fournies par des économistes français, spécialistes du développement durable de très jeunes enfants, auraient même trouvé la mort à la suite de ces aspersions aériennes, qui auraient aussi provoqué, chez certains sujets, des altérations chromosomiques. Et les autorités équatoriennes n'ont pas protesté? Bien sûr que si. Et les traitements aériens ont cessé près de la frontière, mais il était trop tard. Car il ne faut pas l'oublier, même si, selon Monsanto, le Roundup est censé se dégrader rapidement et permet donc de cultiver à nouveau très rapidement après l'aspersion, les terres et les cours d'eau sont contaminés beaucoup plus longtemps qu'on ne le prétend. Mais alors, n'était-il pas possible de procéder autrement ? Certainement. Et dans quelques zones, l'éradication des cocaïers a été pratiquée manuellement. Ah, l'arrachage à la main. Oui, mais ça demandait une importante main-d'œuvre et la mobilisation de soldats afin de protéger les ouvriers agricoles affectés à ces tâches. Ou sinon, la plupart des cas, c'est l'aspersion aérienne qui a été préférée. Malgré tous les risques qu'elle entraîne. Eh oui, c'est la vérité. Aussi déplorable soit-elle. Mais il y avait tellement d'intérêts en jeu. Et puis c'était les terres de paysans pauvres qui étaient traitées ou bien des territoires contrôlés par la guérilla. Car bien entendu, les propriétés des paramilitaires associés aux narcotrafiquants ont été soigneusement épargnées. Au mois de juin 2002, un journaliste de Rolling Stone analyse le plan Colombie qui s'appelle désormais l'initiative andine antidrogue. Il revient en particulier sur l'achat de ces hélicoptères dont a parlé M. X. 234 millions de dollars ont été débloqués pour produire 18 hélicoptères américains Black Hawk dans le Connecticut. Tout le monde est d'accord sur trois points. Ces hélicoptères militaires sont de véritables merveilles technologiques. Ils sont incroyablement coûteux et compte tenu de leur puissance de feu et de leur capacité de déplacement, leur mobilisation dans le cadre d'une lutte contre la drogue est une décision pour le moins curieuse. Attribue-t-on des Maserati aux auxiliaires de police ? Alors, pourquoi ces machines redoutables font-elles partie du plan Colombie ? Il s'avère tout simplement que les Black Hawk sont là pour dissuader les agriculteurs réticents, les narcotrafiquants et les guérilleros de tirer à vue sur les employés de Dean Corp lorsqu'ils survolent leur culture avec des avions pulvérisateurs chargés de défoliants. Tout cela est théorique, car en réalité, ces hélicoptères constituent des cibles toutes désignées pour les guérilleros. D'un seul coup de feu bien dirigé, des insurgés armés d'un simple fusil peuvent tuer des dizaines de personnes et faire perdre aux États-Unis ou à la Colombie des dizaines de millions de dollars. Et comme si ces hélicoptères ne suffisaient pas, un budget additionnel de 120 millions de dollars a été débloqué pour permettre l'intervention d'hélicoptères supplémentaires, ce qui porte le budget destiné aux hélicoptères à 354 millions de dollars, soit 40% du budget global du plan Colombie. Alors vous m'avez proposé de faire le bilan de ce très coûteux plan Colombie. Lorsqu'il a été mis en place au tout début des années 2000, les paysans et les narcotrafiquants auxquels ils vendaient leur production ont très vite trouvé la parade. Comment ? Ben, ils ont replanté dans des zones reculées. La coca est une plante qui se cultive très bien. Il suffit de défricher un bout de jungle et le tour est joué. Quand l'éradication de la coca a commencé, il y avait 120 000 hectares plantés. Mais en 2002, les spécialistes estimaient qu'il n'y en avait déjà plus de 160 000. Encore plus. Et c'est sans compter avec le déplacement des cultures dans les pays voisins. Toutefois, c'est vrai, peu à peu, les superficies consacrées à la production de la coca ont fini par diminuer. En 2007, par exemple, il n'y a plus que 78 000 hectares plantés en cocaïers. Mais, curieusement, la quantité de cocaïne produite n'a pas diminué. Échec complet, donc. La démonstration de ce fiasco a été établie par l'évolution des prix. Si le plan Colombie avait été un succès et avait donc permis de limiter sérieusement la production de drogue, le prix au détail de la cocaïne aurait dû augmenter. Mais en raison de la plus grande rareté de l'offre. Naturellement. Or, tous les observateurs ont noté que le prix du gramme vendu en Occident n'avait pas du tout augmenté. Il est même aujourd'hui à son niveau le plus bas depuis le début des années 80. Une tendance qui n'a fait que se confirmer d'année en année. Comment expliquer ce mystère ? Ben, il y a plusieurs raisons. Et ça tient d'abord à l'ingéniosité des paysans colombiens. Expliquez-moi. Première constatation. Le cocaïer, je vous l'ai dit, est une plante robuste et excessivement féconde. Avec des plants soigneusement sélectionnés, on peut même faire plusieurs récoltes par an. Il suffit donc de migrer en fonction des aspersions. On abandonne un territoire et on plante un peu plus loin. C'est aussi simple que cela. Mais ça ne suffit pas. Les producteurs ont aussi imaginé de protéger leur culture contre les fumigations d'herbicides. Ah, mais comment alors ? Ben, c'est aussi efficace qu'artisanal. Il suffit par exemple d'élaguer les arbustes aussitôt après le passage des avions épandeurs. En coupant les feuilles, on évite que le produit pénètre la plante et descende jusqu'aux racines. Ah oui, c'est en effet ça, c'est astucieux. Hein. Et le cocaïer ne tarde pas à produire de nouveaux bourgeons. En plus, la zone ayant déjà été traité, il y a peu de chances de revoir de sitôt les avions tueurs de coca. Mais il n'y a pas que cela. Ces mêmes paysans ont trouvé une manière très simple de neutraliser l'action de l'herbicide. Avec un mélange de mélasse, ils imperméabilisent les feuilles de leurs plantes. Ainsi, le Roundup est empêché de pénétrer au cœur du cocaïer. Et l'herbicide est impuissant à tuer la plante. Hein. En outre, ouais, d'autres producteurs ont mis au point des procédés encore plus sophistiqués en sélectionnant des cocaïers capables de résister à l'action du poison. Enfin, c'est toujours un résultat acquis grâce à la sélection. Les paysans ont planté des végétaux plus productifs. Mmh. Et la mise en place alors, de tous ces procédés expliquerait que, malgré la réduction des surfaces, la production de cocaïne serait restée stable. Ça et aussi le fait que les paysans essaient d'échapper à la détection aérienne. Par exemple, en cultivant à l'ombre des arbres. Et puis, il faut aussi tenir compte de l'extraordinaire réactivité de ces producteurs de coca. Un seul chiffre et j'en aurai fini. Selon les observateurs des Nations Unies, 60% des champs de cocaïers détectés par satellite en 2004 n'existaient pas un an plus tôt. Alors, le combat contre la production de drogue là, paraît donc perdu d'avance. Oui, oui, car encore une fois, et pardon de me répéter, la seule méthode était de proposer aux paysans des productions alternatives. Mais ça n'a pas été fait, essentiellement à cause de la duplicité qui prévaut en la matière. À Bogota, comme à Washington, la priorité, c'est la lutte contre la guérilla. Une lutte renforcée en 2004 avec le plan Patriote qui envoie près de 18 000 soldats colombiens dans la jungle au sud du pays. La drogue passe après. Cependant, pour être tout à fait honnête, il faut reconnaître un début d'évolution. Bah, malgré la fin officielle du plan Colombie, l'aide états-unienne se poursuit. Pour 2008, par exemple, Washington a prévu d'attribuer 600 millions de dollars à la Colombie. Et pour la première fois, une grande partie de ces subsides doit être affectée au développement agricole au détriment de la coopération militaire. Il ne fait nul doute qu'on doit ce changement d'orientation à l'arrivée au Congrès américain d'une majorité démocrate. Et pas à George Bush. C'est bien ce que je voulais dire. Un mot encore à propos des tentatives d'éradication de la production de drogue en Colombie. Notre planète a peut-être échappé au pire, car des docteurs Folamour américains ont envisagé très sérieusement de répandre dans les cultures un champignon, l'agent vert, un organisme génétiquement modifié. Et qui aurait eu la propriété de s'attaquer aux cultures de coca. C'est ça. Mais heureusement, quelques savants un peu plus raisonnables ont mis le halà. Car on ne savait pas quelles seraient les conséquences pour la faune et la flore. Cet agent vert aurait très bien pu détruire la forêt amazonienne toute proche. Bref, on l'a échappé belle, quoi. À tous les cas, c'est ce que je crois, oui. Autre chose. Si ce plan Colombie a échoué, et si les narcotrafiquants n'ont rien perdu de leur pouvoir corrupteur, l'initiative américaine a tout de même produit un curieux effet. Que voulez-vous dire, là ? La mafia des trafiquants colombiens, autrefois toute puissante à l'époque des cartels, a dû céder la place aux Mexicains. Les narcotrafiquants mexicains. Oui, oui, les patrons, ce sont eux, désormais. Le Mexique est devenu un véritable carrefour de la drogue, de toutes les drogues. Mais le Mexique, à l'exception de la marijuana, n'est pas un vrai pays producteur. Hein. Certes, mais tout passe par le Mexique. Au moins 80% de la drogue consommée aux États-Unis. Le plus grand pays consommateur y transite. Et certains cartels disposent de véritables armées privées. J'imagine que c'est une situation qui doit préoccuper Washington. Et c'est pourquoi, à la Maison-Blanche, on a conçu un nouveau plan qui ressemble au plan Colombie comme un jumeau. Officiellement, il s'agit de l'initiative Mérida. Toutefois, à la différence de ce que l'on a vu en Colombie, il n'est pas prévu la présence de soldats états-uniens sur le sol mexicain. Mais il n'est pas interdit à certaines entreprises de mercenaires, comme la trop célèbre Blackwater, de participer à la lutte armée contre les gangs de narcotrafiquants. Blackwater, il faut le rappeler, qui s'est fâcheusement illustré en Irak en tuant des civils innocents. Hein. En effet, mais Blackwater qui garde malgré tout la confiance du Pentagone. Et quel est le budget alloué à ce nouveau plan-là ? 1,4 milliard de dollars du côté américain et en principe 7 milliards du côté mexicain. Et tout cela, en dehors des actions contre les narcotrafiquants, doit servir à acheter du matériel militaire. Avions, hélicoptères, armes, systèmes d'écoute, etc. Car j'oubliais de vous le dire, Calderón, le président mexicain, n'ayant aucune confiance dans sa police, a décidé de confier à son armée la tâche de lutter contre la mafia de la drogue. Mais cette initiative Mérida, là, est-elle dépourvue de tout objectif politique ? Bien sûr que non. Et d'abord parce qu'il s'agit de soutenir le président Calderón, dont l'élection a été longtemps mise en cause par son rival de gauche. En outre, la présence au Mexique de mercenaires américains pourrait bien être utile si, d'aventure à Washington, on pensait à susciter quelques troubles au Venezuela. Et vous n'avez pas prononcé le nom de ce pays au hasard. Ah bon ? Croyez-vous ? Enfin, toujours à propos du Mexique, je vous recommande la lecture d'un long reportage d'Armel Vincent paru dans la toute nouvelle et excellente revue 21. La journaliste est allée enquêter dans l'état de Sinaloa, le fief des seigneurs du narcotrafic, où des troubadours chantent les exploits de ces rois tout-puissants des cartels. Extrait. Armel Vincent voyage alors à bord d'un convoi de luxueux 4x4. Elle raconte. À la sortie de Novalato, une patrouille de police est stationnée sur le bas-côté, apparemment en attente d'une infraction à verbaliser. « Tiens, ça tombe bien, remarque Eric, vous allez voir. » Nonchalamment adossés à leur véhicule, les deux agents saluent notre convoi d'un signe amical de la main. Ils disparaissent bientôt dans le rétroviseur sans avoir bougé d'un pouce. « Mais ils ne nous arrêtent pas. » « Ça ne risque pas, les narcos se déplacent en convoi et la police est à leurs ordres. Les deux officiers ne savent pas qui nous sommes, alors ils préfèrent ne rien faire ici. » Si on veut rester en vie, on n'offense pas un narco, on se met encore moins en travers de son chemin, et on ne se mêle jamais des affaires des autres. Je vous recommande aussi l'enquête de Marie-Monique Robin sur le monde de Monsanto à paraître début mars aux éditions La Découverte, et puis il y a aussi la diffusion de son documentaire sur Arte le 11 mars à 21h. Enfin, je vous rappelle que dans les librairies, vous pourrez trouver les deux livres de Monsieur X coédités par France Inter.